La nuit sur son voilier, il défie l'océan. Son envie de gagner malgré le mauvais temps. Et là-bas sur la mer, il vogue solitaire. Sa vie n'est qu'un mystère, c'est un vrai courant d'air. La nuit sur son bolide à grands pas de géant. Il s'en va faire le vide loin de tout continent. Il raconte à la mer tous ses instants de rêve. Lève les yeux vers le ciel, crie Dieu que je l'aime. Sur son petit bateau blanc qu'il a construit de ses mains, il s'en allait chantant bravant vers son destin. Sur son petit bateau blanc, il s'en va le cœur amer, laissant sa femme et son enfant loin sur la terre. Il reviendra un jour sur son bateau à voile, avant de repartir là-bas sous les étoiles. Remercier la mère de sa fidélité. Embrassera la terre des marins oubliés. Sur son petit bateau blanc qu'il a construit de ses mains, il s'en allait chantant bravant vers son destin. Sur son petit bateau blanc, il s'éloigne le cœur amer. Il rejoindra le ciel en emportant tous ses mystères. Sur son petit bateau blanc, qu'il a construit de ses mains, il s'en allait chantant bravant vers son destin. Sur son petit bateau blanc, il s'éloigne le cœur amer. Il rejoindra le ciel en emportant tous ses mystères.